Comment direz-vous « Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose ?» Vous posez la question à usted. Puede. Puede me dire. Decirme. Decirme, oui, quelque chose. Algo. D'accord. Puede decirme algo. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Alors, est-ce que vous pouvez me dire où ça se trouve? Où c'est? Se dira. Puede decirme. ¿Dónde está? C'est ça. Puede decirme dónde está. Puede decirme dónde está. Et maintenant, au lieu de dire pouvez-vous, vous voudrez peut-être me dire pourriez-vous. Alors, est-ce que vous pourriez me dire où ça se trouve? Où c'est? Podría. Oui. Decirme. D'accord. Podría decirme. Podría decirme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podría decirme dónde está. Et est-ce que vous pourriez venir avec moi? ¿Podría venir conmigo? D'accord. ¿Podría venir conmigo? Et est-ce que vous pouvez m'attendre? Vous posez la question à usted. Puede. Puede m'attendre. Mais esperar. Comment dites-vous voir? Ver. Ver, d'accord. Et le voir? Verlo. Verlo, tout à fait. Alors, l'attendre, ça sera? Esperarlo. Esperarlo, oui. Et donc, m'attendre? Esperarme. Esperarme, c'est ça. Donc, avec « mais » accolé à la fin de l'infinitif et non devant comme en français. Donc, esperarme. Esperarme, c'est m'attendre. Alors, encore une fois, est-ce que vous, usted, pouvez m'attendre? Puede esperarme. Bien. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Puede esperarme. Mais vous pouvez aussi dire est-ce que vous pourriez m'attendre? Podría esperarme. D'accord. Podría esperarme. Est-ce que vous pourriez m'attendre? Podría esperarme.